Histoire numéro 4, la contributia. Alors, où en étions-nous? À l'histoire de la contributia. Donc, voilà l'Allemand qui nous demande 10 000 roubles, de la main à la main. Et il ajoute de la paille pour les chevaux, et il nous emprunte le rabbin en titre, et mon jaillet à la moi en caution. Vous suivez? Et si d'ici 5 heures, nous n'avons pas obtempéré, il leur met le dos au mur et il leur tire dessus. Vous imaginez la cavalcade à Krochnik et la corrida chez moi, à la maison. Voilà mes juifs qui se réunissent et commencent à lire les psaumes et à décréter un jeûne, tous nos vieux trucs à nous. Les plaintes et les cris montaient jusqu'au 7e ciel. Gewalt, à l'aide, un conseil. Encore du pain et de la viande pour les soldats et de la paille pour les bêtes, d'accord. Ça valait quand même mieux que le retour du tsar avec ses cosaques et un bon pogrom au menu, non? Mais d'où voulez-vous qu'on sorte les 10 000 roubles? Vous savez ce que ça veut dire, 10 000 roubles? C'est comme 10 millions de millions, sans compter la prise d'otage de rabbin et mon GL au milieu. Alors, qu'en pensez-vous, vous? On va se la fermer? D'un autre côté, à quoi bon hurler? Et en attendant, le temps ne s'arrête pas de tourner. On n'a pas le loisir de dire ouf, et voilà les 5 heures passées et tout est perdu. La caution va s'envoler en fumée. Or, il se trouve qu'un concitoyen à nous a une bonne idée. Ézéchiel Aménéoua, qu'il s'appelle. Parce que sa femme, elle, s'appelle Ménéoua, voyez-vous. De plus, c'est le père de mon gendre. En fait, de mon point de vue, il aurait pu attendre pas mal de temps avant de devenir le beau-père à ma fille. Mais ça, c'est une autre histoire, à l'occasion. Vous savez que j'ai horreur de raconter une histoire dans une autre histoire. Moi, j'aime prononcer juste 2 mots et puis bonsoir. Alors, cette Ménéoua, elle a une de ses têtes, un vrai homme. La tête sur les épaules, c'est pas une femme, c'est un cosaque. La preuve, c'est qu'on appelle son mari suivant son nom à elle, ça veut tout dire, non? Il se peut que le mari soit un 0 au carré ou que la femme soit un vrai canon. En fait, les 2 réponses sont exactes. Non seulement elle porte le pantalon à la maison, mais en plus, lui, c'est une bête achevée, un sac de chaume et une belle barbiche, rien de plus. Maintenant, écoutez la belle histoire. L'autre, il a juste entendu que l'Allemand veut sa contributia de 10 000, là, plus la rançon du rabbin en titre et de mon GL. Alors, il réfléchit le lourdeau, je veux dire, le beau-père à ma fille, et il fait la proposition suivante. Il y a un peu partout en ville des rouleaux de la Torah. On va les ramasser et on va les lui apporter. Et il n'a pas prononcé une seule parole de plus, pour la raison bien simple que je l'en ai empêché. Parce que moi, voyez-vous, je m'emporte facilement. Comme je suis descendant d'Aaron, alors je suis colérique, bien que la colère soit pire que l'idolâtrie. Mais je ne suis qu'un homme, non? Alors ça m'a pris là, vous comprenez? Je me suis mis dans une colère, vous n'avez pas idée. Tout ce que j'avais sous la langue et dans le cœur, je le lui ai versé sur la tête. Comment? Ce que nous avons de plus précieux, nous allons le lâcher comme ça? Alors la Torah, ça se brade maintenant? N'importe qui arrive ici, curé, évêque, gouverneur, spravnik, diable noir, tout de suite comme ça, on lui offre les rouleaux de la Torah? Par ici, prenez, c'est gratuit. Non, non, moi, vivant, jamais. Pas question. Il vaut mieux nous vendre tous en esclavage, femmes, enfants et petits-enfants compris, mais vendre la Torah du Dieu vivant, ça, non. Qu'il nous coupe en morceaux, qu'il nous hache menu, qu'il nous brûle et qu'il crucifie les pères de nos pères, mais ça, non. Vous aurez vu ce qu'il a pris. Et moi, j'étais au bord des larmes. Et l'autre qui me prend par les 2 épaules. Crétin de fils d'Aaron, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'entendais juste qu'on aille chez lui avec les rouleaux de la Torah et qu'on lui dise « Voilà, nous n'avons rien que ça. Et maintenant, faites de nous ce que bon vous semble. » Alors il aura pitié de nous. Il oubliera toute son histoire de contributia et tout le reste, et nous, nous échapperons à toute cette aventure. Qu'est-ce que tu dis de ça, cervelle de juif? En fin de compte, c'est moi qui ai gagné. Les rouleaux de la Torah n'ont pas bougé. Nous avons emporté les tentures, les voiles, les doigts d'argent, les couronnes d'argent, les bois et les écrins, enfin, tout ce qui contenait des ciselures d'argent et des fils d'or. Nous arrivons chez lui, chez le commandant, on se jette à ses pieds, en pleurant, comme des madeleines. Monsieur le roi, comme ci et comme ça, voilà tout notre avoir. Nous n'avons rien d'autre. Et faites de nous ce que vous voulez. Il y a un Dieu dans le ciel, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il fait, le Très-Haut ? Lui, je veux dire, le commandant. Il nous regarde droit dans les yeux, et je vous jure qu'il avait l'air bien embarrassé. On aurait dit qu'il avait honte. Il se dirige vers la table et contemple les objets les uns après les autres. À la fin, il se tourne vers nous. Mon Herrn, reprenez tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Nous autres, nous ne sommes pas des bandits de grand chemin, ni des Cosaques. Beaux Cosaques à vous. Ils ont l'habitude de piller les synagogues et de prendre les objets de culte. Nous sommes Allemands, et notre Kaiser n'a pas coutume de voler ce genre de choses. J'ai horreur de voir commettre des actes pareils. Que vous dirais-je ? Le Goy n'était plus le même Goy. Ce n'était plus le même regard, les mêmes yeux, le même langage. Il nous a presque invités à nous asseoir. Ensuite, il a donné l'ordre de remettre les otages en liberté. Mais quand ça a été le tour de mon Jehiel ? Que je mourrais de le voir revenir à la maison, à sa femme et à son fils. Alors il me regarde et me demande « C'est ton fils à toi ?» Pour le meilleur et pour le pire. Lui, je ne le relâche pas, je le garde. Mais j'entends encore la cloche. On nous appelle pour le dîner. Dieu merci. Alors, peut-être après, hein ? Sinon, eh bien demain. Mais moi, vous entendez, à votre place, moi, je prendrai un crayon et un calepin, et je noterai tout, mot pour mot, de façon à ce que cette histoire passe à la postérité. Vous comprenez ou non ?